Il était à peine 4 heures quand M. Dumanet quitta Ondine de Panama. Il marcha droit devant lui, flânant, se disant qu'il avait bien le temps de rentrer à l'hôtel. Les autres, s'ils y revenaient avant le dîner, n'y reviendraient que plus tard. Il suivit les boulevards, goûta chez un pâtissier où il apercevait de jolies femmes, entra dans des magasins, marchanda des objets sans rien acheter, et vers 5 heures s'en revint à l'hôtel. Au bureau, il eut en décrochant sa clé la satisfaction d'apercevoir à leur clou les clés des matous de sa femme et de Sylvie. Personne n'était rentré et ne soupçonnerait sa fugue. Rapidement, il monta dans sa chambre et, ôtant seulement sa jaquette, se glissa tout habillé dans le lit où, très fatigué, il ne tarda pas à s'assoupir. Il eut conscience qu'on entrait chez lui et, entre les cils, il aperçut sa femme penchée sur lui qui le regardait. Alors, de toutes ses forces, il joua le sommeil. Respiration régulière, pause molle et abandonnée. Et le succès de cette comédie fut complet. Madame Dumanet sortit sur la pointe des pieds. Puis, dans la chambre voisine, la sienne, elle se mit à causer à demi-voix avec quelqu'un. À travers la porte de communication, il entendait très bien ce que l'on disait. « Prenez garde !» faisait une voix assourdie. « Il va entendre !»« Allons donc !» répondait Madame Dumanet. « Il dort comme un sabot. Avec lui, ça ira tout seul. Il n'est pas besoin d'explication. C'est avec les autres que ça sera plus compliqué. »« Alors il faut attendre les autres ?»« Naturellement. » « Allez-vous-en même, car ils ne vont pas tarder à rentrer. Je vais vite me déshabiller. »« Comment ? Sérieusement, vous allez vous coucher ? Très sérieusement ? Pour un mal de dents ? Vous croyez que ça paraîtra vraisemblable ? Pourquoi ça ne paraîtrait-il pas vraisemblable ? Allons bon, qu'est-ce que vous avez ? J'ai que je ne retrouve pas une bague que j'avais laissée ce matin dans ce coffret. Vous êtes sûr ? Très sûr. Aussi, c'est joliment imprudent de laisser comme ça traîner des bijoux. Mais ça ne traînait pas. » « Comment ça ne traînait pas ? Mais non, le coffret était dans ma malle. Je viens de le poser là, sur la cheminée. »« Depuis que vous êtes rentré ? Mais oui, il y a 5 minutes. »« Depuis que nous causons ? Oui, c'est incroyable. » Et M. Dumanet entendit sa femme qui bousculait les bijoux du coffret, l'avoir repris. « Vous aurez cru mettre votre bague dans cette boîte et vous l'avez mise ailleurs, probablement. »« Mais non, je suis sûr que non. »« Qui est-ce qui parle ?» se demandait M. Dumanet à moitié endormi. « Je ne connais pas cette voix-là. » Mais tout à coup, il se dit « Et parbleu, c'est le colonel, autrement dit Salomon Stern. » À ce moment, la voix s'éleva plus haute, semblait-il. Elle disait « Alors, à tout à l'heure, ma belle chérie. » « Sa belle chérie, » pensa le pauvre Mahury. « Sa belle chérie, ils en sont là, au bout de 2 jours. C'est raide, comme dit Madame de Panama. » Et mille rien lui revint à l'esprit qui aurait dû l'édifier plus tôt sur sa situation. « Ainsi, hier soir, cette histoire de table retenue, c'était pour arriver à le faire dîner avec nous, et la fuite dehors parce qu'il y avait des cocottes plein la salle, soi-disant. » La disparition de la bague l'égaya fort. Et le coup de la bague, pas mal non plus, celui-là. On parlait haut, dans le corridor des chambres. M. Dumanet entendit que le colonel s'en allait, puis on frappa doucement à sa porte. C'était Paul Matou qui venait savoir comment il allait. Dans la chambre de Madame Dumanet, on continuait à parler, mais cette fois c'était la voix de Sylvie qui sonnait haut et clair. Au bout d'un moment, elle vint voir son père et lui conta que Madame Dumanet venait, elle aussi, de se coucher. Elle souffrait horriblement depuis qu'elle avait été chez le dentiste. Il lui avait d'ailleurs défendu de sortir ce soir. Le moindre souffle d'air pouvait aggraver beaucoup son état et lui donnerait dans tous les cas une fluxion. « C'est désolant, » conclut gentiment la jeune fille, de vous voir tous les deux malades. Comment vas-tu, toi, papa ? Mieux, mieux, mon petit. Quand j'aurai dormi, je serai tout à fait bien. Surtout, n'entrez pas ce soir pour voir comment je vais. Vous me réveilleriez, mes enfants. Non, maman m'a fait la même recommandation. Elle aussi, elle va dormir. Allons, bonsoir, papa. As-tu bien mal encore ? Non, pas très mal. Prudemment, il demanda. Où dînez-vous ? Au Hongrois, je pense. N'est-ce pas, monsieur Paul ? « Oui, au Hongrois. Mais allons-nous-en, mademoiselle, nous empêchons M. Dumanet de dormir. » Le père de famille écouta les pas qui s'éloignaient. Tout de suite, la belle Joséphine avait sauté du lit. Il l'entendit tomber dans ses pantoufles, puis aller venir rapidement, et au bout de 5 minutes, le colonel comte de l'Étoile rentra chez elle, demandant « Êtes-vous prête ?»« Oui. Alors filons. » À son tour, M. Dumanet sauta à terre, courait la fenêtre qui donnait juste au-dessus de la porte de l'hôtel et regarda le couple sortir. C'était bien le colonel, très chic, en smoking, son par-dessus mastic ouvert, laissant voir le gilet blanc. Un énorme œillet blanc à la boutonnière. Et Mme Dumanet éblouissait. Gainée dans une robe couverte de paillettes argentées de plusieurs tons et couchées les unes sur les autres comme des écailles, elle avait l'air d'un long serpent à sonnette. Derrière elle, court et grassouillet, le colonel trottinait sur ses petites jambes rondouillardes, et le mari sourit, heureux de ce choix qui le vengeait un peu. Lorsqu'il descendit, M. Dumanet vit dans le bureau de l'hôtel un grand jeune homme élégant et souple, aux paupières voilées, aux longs cils épais, à l'allure onduleuse, qui semblait causer avec le gérant assis dans sa cage de verre. Ce visage trop joli, M. Dumanet l'avait déjà entrevu. À sa vue, le monsieur qui parlait s'interrompit comme gêné et se tut tant qu'il fut à portée d'entendre. Et M. Dumanet se creusait la tête pour retrouver l'endroit où il avait rencontré ce monsieur étrange, qui avait l'air à la fois d'un calicot et d'un prince de légende. Tout à coup, il se souvint. Ce beau garçon, bien pris dans sa taille et découplé malgré sa nonchalance voulue, était le cavalier de la cocotte que le nommé Salomon Stern leur avait désigné la veille au restaurant russe sous le nom de Gisèle de Champigny. À ce moment, la duchesse de Corda Potentia vint à passer, et le regard dont elle enveloppa le beau jeune homme fut singulièrement significatif. Il n'y prit pas garde et continua avec le gérant la conversation interrompue. À cette heure tapante, M. Dumanet était au pavillon russe et Ondine de Panama y arrivait presque aussitôt. Ils choisirent une table et s'installèrent. Elle, gaie et gazouillante, lui absolument tranquille et se disant qu'il rentrerait sans encombre et que cette première fugue resterait insoupçonnée toujours. Cette fois, la table où ils dînaient avec Ondine de Panama était contre la musique et précisément en face de celle qu'ils avaient occupée la veille. Tout à coup, la petite cocotte le pinça brusquement en disant effaré « V'là ta femme !»« Ma femme ?» fit M. Dumanet qui se leva d'un jet. « Ma femme, vous badinez !» Ondine de Panama étendit sa main aux ongles brillants dans la direction de la belle Joséphine et dit « Je badine, veux-tu ouvrir tes châssis ?» Et à travers les dos des garçons et la buée de la salle, M. Dumanet aperçut sa femme qui scintillait. Le serpent déroulait ses anneaux en s'asseyant à la place qui tournait le dos à leur table. Éperdu, le pauvre murmura « Allons-nous-en !» Mais Ondine protesta « Nous en aller ?»« Ben, à la bonne heure, t'as des idées rigolotes, vieux, nous en aller, tiens !» « Si tu veux voir quelqu'un qui ne s'en ira pas, t'as qu'à me reluquer. » Elle se leva et dit « Par exemple, faut que je change de place. Cette crapule de Salmon aura qu'à m'apercevoir, ça ferait du potin. » Et riant à la pensée de ce qu'arriverait si elle était vue du couple, elle reprit « Pour du potin, ça en ferait, hein, mes enfants ?»« Je vous en prie, » balbutia M. Dumanet, éperdu. « Je vous en prie, chère madame, je... » Pour le coup, elle se roula. « Chère madame, il m'appelle chère madame. » « Non, laisse-moi rire. Je t'en prie, laisse-moi rire. » Et comme il insistait pour partir, elle déclara « Je ne m'en irai pas. Et toi, t'es un imbécile. Ta femme te voit pas, n'est-ce pas? Et toi, tu la vois? C'est un avantage énorme que t'as sur elle. C'est, tu sais bien administrer cette valeur-là, du repos sur la planche jusqu'à la fin de tes jours. »